Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, quand la France aménageait le futur, une série de Camille Jusa réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a cette question: comment est-on passé de la place de l'église au rond-point et les débuts de l'aventure des hypermarchés qui semblent désormais décliner? Alors pour commencer, les personnages. Des urbanistes qui racontent, des propriétaires qui revendiquent, un auteur qui juge, un historien qui contextualise, un agriculteur qui se souvient, un architecte qui critique, un maire qui assume et un urbaniste pour l'avenir. Ensuite, le décor. La zone commerciale de Marseille, des parkings, des magasins fermés, les années 60, les hypermarchés, des champs, des hangars, la périphérie, le modèle américain, le discount, des frigos, la décentralisation des emplois et des entrepôts. Aujourd'hui, deuxième épisode, tout a l'air fermé à plan de campagne. Aujourd'hui, on doit être à plus de 40% de salariés arrêtés, je pense, même au-delà. Ouais, je pense. Et puis après, après ça fait quoi, 50%? Ouais, parce qu'après, on a 70 restos fermés. Et on a 2, 3, 4 locomotives avec chacun plus de 300 à 500 personnes à l'intérieur qui sont fermées. Donc ça va vite, hein. Eh oui, mais il y a 7500 salariés sur la zone. Donc on doit avoir 3000 personnes à plat. Gare du Casino, Avant Cap, Le Romerlin, Castrom. 4 locomotives. Après, les clients ont du mal à se rendre compte, en fait, parce qu'on parle de fermeture de zones de plus de 20 000, de moins de 10 000. Les gens ont du mal à se rendre compte à quoi ça correspond, en fait, en termes de volume. Mais c'est assez bizarre, hein. C'est bizarre. Vertigineux. C'est littéralement vertigineux. Hein. Mais avec un rebond immédiat, en fait. Hein. Dès la réouverture programmée, dès que y a ça. C'est la force de cette zone en particulier, ou des zones un peu primaires, en fait, les zones les plus importantes, c'est qu'il y a un rebond instantané. Ben, les gens se sont appropriés la zone. Enfin, la zone ne nous appartient pas, elle appartient au client, en fait. Et ils sont de génération en génération, parce qu'on en a la troisième, hein. Ils sont habitués à revenir, heureusement. Oui, la zone est fermée, donc ils ne veulent pas laisser accès. Un peu plus simple, on va sauter la barrière à la Marseillaise. Et on va traverser la route et on va monter sur le parking, mais à pied, pas en voiture. Avant Cap, qui est fermé, qui fait donc plus de 20 000 mètres carrés, qui est une des locomotives, voire la locomotive de la zone, puisqu'il y a plusieurs, plus de 100 magasins, ouais, c'est ce bâtiment ici, avec son parking. Décidé de me promener dans la zone commerciale de Kergaradec, de faire l'aller-retour. Jusqu'au centre de Brest, et je me souviens très bien de ce paysage de panneaux d'affichage qui n'en finissaient pas, avec au milieu des petits pavillons qui avaient dû être construits dans les années 30, qui étaient perdus comme ça au milieu des affiches. C'était hallucinant. Et puis je me suis promené aussi un petit peu dans des villes autour de Brest. Je me suis rendu compte que même dans une petite ville de 2-3 000 habitants, il y avait une zone commerciale qui commençait à manger les terrains agricoles. Et ce paysage, cette zone commerciale, est une accumulation de boîtes de chaussures qui sont posées les unes à côté des autres, sans souci d'organisation ou d'urbanisme. Et c'est ce qui donne ce paysage d'une laideur affligeante que l'on trouve à l'entrée de toutes nos villes aujourd'hui, qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans la plupart des pays européens, ou du moins pas à cette échelle. Par exemple, quand on rentre dans les villes italiennes, on ne passe pas à travers ces zones à la fois commerciales, artisanales, où on trouve des magasins, des garages, des concessions automobiles sur des kilomètres et des kilomètres, ça on ne le trouve pas. Donc on a là quelque chose qui est, malheureusement assez français. Voilà, et on a décidé de raconter ça en faisant appel à des urbanistes, à des architectes qui avaient aussi une vision historique de ce qui s'était passé. Et pourquoi on a choisi d'appeler ça la France moche ? C'est vrai que ça nous a été beaucoup reproché, ce point de vue esthétique, mais moi je le défends tout autant qu'il y a 11 ans. Je pense qu'effectivement on a le droit de porter un jugement sur ce qui se construit, on a le droit de dire que c'est moche, que c'est moche pas seulement visuellement mais aussi intellectuellement. C'est vraiment... C'est le triomphe de la médiocrité. Et voilà, on a le droit de s'en scandaliser, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on devrait pouvoir imaginer autre chose. No parking, no business. L'irrésistible supermarché français. Camille Jusa, Franck Lillin. Dépend de la vision que vous avez. Si vous avez une vision politiquement correcte et bobo, évidemment, c'est horrible. Que font ces idiots dans ce truc en béton, cette plèbe qui vient s'emmerder dans cette... Mais je crois qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, je crois. Ça s'appelle la liberté. Et puis, je sais pas, s'ils s'y retrouvent en un ici, il faut peut-être leur foutre la paix. Pierre-Jean Pierrel, propriétaire dans la zone commerciale de Plan de Campagne, au nord de Marseille. Mais alors, je sais pas. Moi, j'ai un problème avec des archétypes... je passe pas tous mes week-ends ici, mais j'y viens aussi. J'habite pas loin. Et puis, je vais aussi dans les Calanques. Hein, mais je suis pas non plus tous les week-ends dans les Calanques. Et s'il me vient l'envie de passer mon week-end ici, je viens au cinéma ici, avec ma famille. Cataloguer les lieux et les gens, c'est un truc qui m'est un peu insupportable. Mais bon, ça, c'est un côté rebelle un petit peu. Non, mais après, ceux qui la dénigrent aujourd'hui, de toute façon, on les retrouve aussi ici dans les commerces. Parce que de toute façon, il y a des commerces incontournables. Il y a effectivement des enseignes ou des petits magasins indépendants ou autres. Philippe Robert, propriétaire. Où ces gens-là sont bien contents finalement de se retrouver, d'acheter des produits et ainsi de suite, parce que ça leur correspond aussi. C'est marrant parce que c'est la même chose que McDonald's. McDonald's en France, quand vous en parlez, les gens vous disent « Oh, moi je vais jamais manger chez McDo ». J'avoue que j'aime pas trop McDo non plus. Mais pour McDo Monde, le pays magique c'est la France. Parce que par habitant, le plus gros chiffre d'affaires qu'ils font, c'est en France. Pays de la bonne bouffe, paradoxal. Et malheureusement, ça continue, hein, puisque à l'époque, on visait surtout les grandes surfaces commerciales. Xavier Dejarcy, auteur de « Comment la France est devenue moche ». Carrefour, Auchan, Leclerc, bah, Leclerc qui est quand même très présent en Bretagne, par exemple. Je me suis promené en France cet été, on peut parler de Clermont-Ferrand, le sud de Clermont-Ferrand. C'est catastrophique. Quand vous arrivez à Pontarlier, mais vous ne voyez même plus la ville. Il n'y a plus que des hangars. Quoi. Ça grignote encore plus de terres agricoles. Enfin, ça n'en finit pas. C'est vraiment une espèce de marée. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Il est vrai que, à l'origine, si vous voulez, construire des boîtes à savon ou des boîtes à sardines au bord d'une route, ça intéressait tout le monde, d'abord parce qu'il y avait un engouement, les gens demandaient ça, tout le monde y a trouvé son compte. Voilà. Et la recherche effectivement d'esthétisme n'était pas, si on se replonge dans les années 60 ou 70, je ne suis pas certain que l'architecture de ces années-là soit la plus belle, quoi. En tout cas à l'extérieur des grandes villes. Ce qui caractérise le magasin d'aujourd'hui prépare celui de l'avenir. C'est sa soumission à l'architecte, au décorateur, à l'esthéticien industriel. Tout est calculé pour mieux présenter, pour mieux vendre, pour supprimer l'étagère lointaine, pour supprimer tout intermédiaire entre l'objet à vendre et le client possible. Le commerce y perd en pittoresque ce qu'il gagne en efficacité. L'œil ne doit voir que ce qui se vend. Une musique douce, un éclairage dirigé, multiplie et encourage les tentations. Marché d'aujourd'hui dessiné par des artistes, marché d'hier à la bonne franquette. Que Que pense le client, tant qu'on lui permet encore de penser? A-t-il vraiment une opinion? Alors, en fait, pour comprendre la naissance de cet hypermarché, il faut le resituer dans une série d'innovations commerciales qui débutent au lendemain de la guerre. Jean-Claude Domas, historien. D'abord, il y a un nombre considérable de magasins. On compte près de 800 000 magasins, dont les deux tiers n'emploient aucun salarié. Il y a un trop grand nombre d'intermédiaires. En 1960, on en comptait encore un pour 6 détaillants. Les méthodes de vente sont très traditionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, les commerçants cherchent à vendre cher, même s'ils vendent peu. Ça se traduit donc par des prix élevés, donc des magasins très peu spécialisés. Dans les quartiers populaires, comme dans les campagnes, c'est vraiment le règne du café-épicerie. Cagny Ernaux, dans ses livres et notamment dans Les armoires vides, a décrit. Il y a des magasins qui sont désordonnés, où il n'y a pas d'hygiène, où les produits qui sont vendus sont de qualité inférieure, où les achats se font en toute petite quantité, où le commerçant doit faire crédit pour garder ses clients. Alors voilà la situation qui domine au lendemain de la guerre. Et les commerçants et les distributeurs français vont prendre conscience donc de ce retard par comparaison. Des revues publient des articles sur l'état de la distribution dans d'autres pays européens et surtout aux États-Unis. Et c'est la grande période des missions de productivité qui sont envoyées en Amérique. Et il y en a une pour le commerce en 1951. Ces missionnaires, entre guillemets, reviennent des États-Unis absolument impressionnés par ce qu'ils ont vu. Donc on va avoir des innovations successives. En 1951, c'est une innovation tout à fait étonnante, qui est l'invention du discount par Édouard Leclerc, qui ouvre à Landerneau, donc son premier magasin où il vend des produits courants à prix très bas. Et s'il arrive à réduire fortement sa marge, c'est parce qu'il passe par-dessus les intermédiaires en s'approvisionnant directement. Jeune étudiant, quittant le séminaire, j'ai vu que trop souvent, on confondait l'œuvre sociale avec l'action sociale. Édouard Leclerc, 20 octobre 1969. L'œuvre sociale, gratuite, momentanée, accidentelle, et l'action sociale qui doit rentrer dans l'ordre économique et être rentable pour être durable. En octobre 1949, je me suis lancé dans cette guerre. Il s'agissait donc de remonter aux sources, c'est-à-dire de dépouiller le commerce de ses apparats et de son bluff. Il fallait voir les prix d'origine, dépouiller les magasins, les rendre les plus sobres possibles tout en les laissant accueillants, en achetant donc directement à l'usine, en vendant directement aux consommateurs, et en faisant tourner les stocks très rapidement. Il fallait donc éliminer tout acte spéculatif et faire du commerce une action sociale. Alors Leclerc est un cas particulier parce que c'est le seul de tous les distributeurs français qui n'est pas allé aux États-Unis. Donc en fait, il ne s'inspire pas du tout du modèle américain, c'est plutôt quelque chose qu'il tire d'une réflexion très personnelle sur la doctrine sociale de l'Église. Et puis, à la fin des années 50, c'est entre 57 et 59, on a toute une série de tentatives qui sont plus ou moins abouties. Généralement, on retient comme date de naissance de l'hypermarché 1959, avec l'ouverture à Bagneux, par les docks de France, d'un magasin qui a une série de caractéristiques qui vont faire désormais le modèle de l'hypermarché, la grande surface, le libre-service, un assortiment de complet de produits alimentaires, le parking et le discount. Et ce type de magasin va se répandre assez lentement au départ, et puis ensuite ça s'accélère, puisque donc on part de 3 magasins en 1959, on en a 323 en 63, et 2876, je crois, en 1975. C'est gracieux, c'est fleuri, c'est bien, n'est-ce pas? C'est moderne. Je trouve que le libre-service apporte énormément d'avantages pour la raison que les gens sont assez pressés lorsqu'ils reviennent de leur travail. Il est évident que choisir avec une petite voiture va plus rapide et plus rationnel. Quoi. On a tout sous la main, on est habitué, on est seul avec sa pensée, on sait pertinemment qu'à tel endroit il y a telle chose. Et on n'est pas influencé ni pour une chose ni pour une autre. On n'a personne qui vous pousse, on prend tout son temps. suis né, moi, là. J'ai 86 ans, je suis né là. Là, ici, à Rajamon, hein. Une lave. On est là, nous, on avait les vaches, là, on les a arrêtées. J'aime du blé, on fait les céréales. Bon, parce qu'on a des terres un peu de partout. C'était quand ça a commencé, ça, pour me rappeler. Au moins 30 ans. Francis Brescia, agriculteur. Ça a commencé à peu près des années 70, par là, 70. Emile Bornéou, c'était un ami. Il était là, la gavotte, là, il a commencé là. Le premier magasin. Après, il y a eu Pierre Pirel, qui a monté des magasins à côté, qui est toujours, oui. Il est le plus grand, il a tout le derrière, là, oui. Le Barnex, là. En plein centre. C'était cultivé, cultivé. Il y avait du blé, des céréales. C'est pas du tout pareil. Maintenant, derrière le magasin, ça a été coupé, mais tout a disparu, quoi. Il n'y a plus rien qui marche. Hein. Alors à l'époque, ce sont des rapatriés d'Algérie qui ont commencé par, au départ d'Algérie par créer un bâtiment un peu plus loin, là, un bâtiment de 800 mètres carrés, qui était à l'époque le plus gros bâtiment de la région, 800 mètres carrés, ridicule, et qui l'ont loué. Simplement, et ils ont trouvé un locataire en la personne de M. Barnéou, d'où le nom Barnéou, parce que la zone s'appelait la zone Barnéou jusqu'à maintenant, de ce monsieur qui est toujours en vie d'ailleurs. Ceci marchande, ces investisseurs ont décidé de créer un deuxième bâtiment à côté, puis de le louer, puis d'un troisième, puis un quatrième, et puis après, bon, bah, le truc est parti, il a fallu fabriquer des voies pour donner accès à ce centre. M. Squadronier est arrivé en même temps. Parce que lui était commerçant, vendeur de meubles. Il était vendeur de meubles dans Marseille, dans Marseille. Intramuros. Et c'est vrai qu'à l'époque, son sentiment, c'était qu'il allait y avoir de plus en plus de voitures, de plus en plus de problèmes d'accès, ne serait-ce lui, pour se faire livrer par ses fournisseurs et ses clients pour emporter les meubles, et ainsi de suite. Donc il a dit, moi, je me sors des villes, quoi. Maintenant, il faut que je trouve autre chose. Et effectivement, c'est là qu'on commençait à se monter ici, plan de campagne. Tout le monde l'a pris pour un fou, hein, quand il a vendu son magasin qui était hyper bien placé dans Marseille. C'était, voilà, c'était vraiment une autre époque et tout. Et voilà, il a fait partie de ces visionnaires qui, d'un seul coup, ont dit, il va y avoir de la voiture, il va y avoir des gens qui ont besoin d'autre chose. Et puis, il y avait le modèle américain qui était ramené par Émile Barnéou d'ici, avec l'arrivée du discount et ainsi de suite. Donc, il fallait des grandes surfaces, il fallait consommer différemment et puis voilà, au fur et à mesure tout le monde a pris ses aises en construisant effectivement un premier bâtiment qui était 800 mètres carrés et à l'intérieur c'était le modèle même du hangar de foire, quoi. Il y avait des corners avec des magasins, enfin, ou des gens qui étaient là, qui louaient peut-être pour le week-end ou autre, et il y en avait d'autres qui avaient des rideaux, c'était fermé, voilà, mais c'était très particulier. Dans un centre comme celui-ci, nous essayons de mettre les gens en concurrence. C'est évidemment la base élémentaire de notre opération. Émile Barnéoud, cofondateur de Plan de Campagne, 1969. En concurrence, tous les défauts ressortent. Si vous êtes dans votre boutique en train de vous regarder dans votre glace, dans votre miroir, vous vous trouvez toujours le plus beau, toujours le plus fort. Ici, vous êtes devant la réalité, ce qui veut dire le tiroir-caisse, c'est le miroir du commerçant. Dans la boutique traditionnelle, bon, on met ça sur le compte de ceci ou de cela, de tel événement. On resterait des mois avant de découvrir la faille. Tandis que là, vous êtes au contact de concurrents directs. Alors vous vous rendez compte par vous-même et vous cherchez à colmater vos faiblesses. J'ai eu beaucoup de mal. Personne n'y a cru. Certains sont venus par curiosité, par esprit d'aventure et surtout parce que ça ne coûtait rien au départ. Et ça, c'est la base élémentaire de notre entreprise. Ce qui veut dire, c'est amener les gens sous un même toit pour que ça coûte le moins cher possible. Oui, mon père installe la première station-service low cost, avec une réduction de prix sur l'essence qui n'existait pas. Ce qui fait que chacun d'entre eux a commencé par gagner de l'argent avec son activité. Pour mon père, c'était l'essence. Pour mon père, c'était les meubles. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait telle demande, peut-être qu'ils pouvaient louer ou acheter le terrain à côté. La plupart du temps, le louer parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Puis ils l'ont acheté bien après. Et puis ils ont construit un bâtiment, ils l'ont loué à un autre commerçant. Et ça a donné ça. Voilà. C'est comme un centre-ville qui s'est déporté et où tous les commerces sont regroupés à un endroit en fait. Hein. Et en fait, les grandes enseignes sont venues se coller à l'endroit où étaient les petites boutiques. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est qu'au départ, c'était quasiment que des petits commerçants. Et que l'engouement créé, le flux créé par ces commerçants, c'est ça qui a fait notre côté atypique. Voici la nouvelle vitrine de notre civilisation. Ici, le plus pauvre est riche. Il pénètre dans l'abondance. Les grandes surfaces remplaceront-elles les places des villages, les cafés, les bals et les églises? Le premier hypermarché est créé par la société Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois dans la banlieue parisienne en 1963. Alors, qu'est-ce qui le caractérise? Puisqu'en fait, c'est là que naît le modèle de l'hypermarché français. Donc, l'installation en périphérie et au débouché de routes nationales ou d'autoroutes, de manière à ce que les clients puissent venir d'assez loin. Deuxièmement, une architecture sommaire. C'est ce qu'ils ont déduit de leur voyage aux États-Unis. Les magasins qu'on construit en France sont beaucoup trop beaux et donc trop coûteux par rapport à ce qu'on fait aux États-Unis. D'autre part, un parking. De manière à ce que les gens puissent venir en voiture, c'est indispensable puisque le magasin est en périphérie. Et puis, le libre-service évidemment, le discount aussi, et surtout, alors ça c'est la véritable nouveauté, tout sous un même toit, c'est-à-dire à la fois de l'alimentaire et du non-alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les produits non-alimentaires, il y a aussi de l'électroménager, il y aura des télévisions, il y aura du mobilier, etc. Ce premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois ouvre dans un climat d'euphorie totale. Les clients sont très nombreux, ils se pressent aux portes. À plusieurs reprises au cours de la journée, on devra fermer le magasin pour permettre aux clients de s'écouler. Il y a tellement de monde que les patrons doivent donner un coup de main et mettre la main à la pâte. Avant l'ouverture, il y avait des centaines de clients. Contrôlez vite. Jacques Desforêts, cofondateur de Carrefour. Et au moment où on ouvrait le magasin, ils se jetaient sur la marchandise. Et pendant des mois et des mois, j'ai fait des cauchemars. Je pensais que ces clients se transformaient en oiseaux, comme dans le film Hitchcock. Ils étaient là, qui dévalisaient, qui pillaient. Et toujours, je me disais, je leur en donne pas assez, je leur donne pas ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Les clients vont acheter à peu près 3 fois plus que dans un supermarché ordinaire. Et tout le monde est impressionné par les dimensions inhabituelles. Hein. C'est un magasin qui fait 2 500 m² de surface de vente, un parking de 540 places, c'est considérable. Et à l'intérieur, les rayons sont immenses. Par exemple, le rayon boucherie fait 15 mètres de long. Et tout ça impressionne énormément. Et c'est le spectacle de l'abondance, en fait, que tout le monde découvre là. Et que les journalistes, d'ailleurs, vont dans les articles où ils rendent compte de l'événement sur lesquels ils vont insister. Hein. C'est quelque chose qui a frappé absolument tout le monde. Et puis, l'événement de la journée, puisque c'était aussi une inauguration, c'était la présence de Françoise Sagan, qui sera la marraine du magasin. Donc, c'est véritablement un événement important. Et la réussite est immédiate. Et elle est d'autant plus intéressante que rien ne garantissait le succès de l'opération. La veille au soir, Fournier a réuni ses associés, tout le personnel, en leur disant « Ce soir, on fait la fête, demain, nous serons peut-être ruinés ». Et il est bien loin, évidemment, d'être ruiné. Carrefour sera, dans les années 70, la première valeur de la Bourse de Paris. On l'a tous fait dans le sens où on connaît plein de campagnes depuis des années, qu'à l'époque ça s'appelait Barneywood. Et depuis toute ma jeunesse, on a toujours passé des moments ici, quoi. C'est un petit peu la sortie de tout le monde. Hein. C'est vrai, mis à part un petit peu la plage l'été, après l'hiver, qu'est-ce que vous avez? Vous avez rien. Hein. C'est un petit peu la sortie de tout le monde, surtout en saison d'hiver, tout ça. Ça fait la promenade du dimanche, on dit de samedi, dimanche, mais voilà. Hein. Bah, on peut tout faire au même endroit. Si on part dans un centre commercial commun, on est obligé de ressortir, partir par là, alors que là, on a tout. Et puis, il y a tous les magasins possibles, imaginables, vêtements, cuisine, cheveux, courses, salles de sport, même les magasins de déstockage, il y a de tout. Marseille, il y a trop de monde. Trop, c'est surpeuplé. Pour la campagne, c'est... un petit village, c'est assez sympa, quoi. C'est, les gens, ils sont plus respectueux, honnêtement. Bon, pour ma part, après... Mais c'est cool, quoi. C'est détendu. Ben, c'est un endroit cool. C'est une bulle d'air. C'est beau, c'est... On voit plein de trucs sur l'hectare et c'est magnifique. C'est bien de se ressourcer ici à Pointe-Campagne. Ça change les odeurs des moteurs en ville et tout, au centre-ville et tout, à Noailles, avec tout ce qui se passe et tout. C'est mieux Pointe-Campagne que Marseille. Beau, je vois pas ce qu'il y a de beau, mais c'est, on va dire, c'est vivant, quoi. C'est vivant. À l'origine, c'était des boîtes avec chacun son commerce qui s'est installé. Et puis là, est arrivée la mode du centre commercial fermé, on n'a pas dérogé. En même temps, sont arrivés les hyper, avec Casino puis Leclerc, avec leur propre galerie marchande, donc à nouveau des bâtiments fermés. Et c'est pour ça qu'on a multiplié les sites. Puis ensuite, des produits comme Leroy Merlin ou Castorama, ou, qui sont d'énormes machines hein, aujourd'hui, mais qui font entre 15 et 30 000 mètres carrés, on va traverser ici. D'où le fait qu'on ait multiplié des boîtes, en fait. De plus ou moins de grande taille. Moi, j'ai rien contre les boîtes, j'ai rien contre la couleur, j'ai rien contre le métal. Donc, quand vous me dites des boîtes en métal avec des grands mâts, pourquoi pas, ça peut être magnifique. David Mangin, architecte. Les boîtes, elles sont mal posées. C'est ça la question. C'est que les boîtes sont mal posées. Après, les boîtes, elles sont volontairement mal foutues. Les gens arrivent à lire le prix qu'ils vont dépenser dans un magasin en voyant un magasin. C'est logique, vous allez dans les vitrines de l'avenue Montaigne, ça ne va pas être les vitrines de Belleville. C'est la même chose pour une zone commerciale. Les gens se disent, voilà, on ne veut pas dépenser cher. On pourrait faire des mâts absolument extraordinaires comme à Las Vegas dans les belles années. Non, on ne va pas faire ça. D'abord, ça coûte cher. Et puis Donc le truc choquant, ce n'est pas tellement le fait que, c'est à mon avis la grande illusion de beaucoup de gens et des élus notamment, c'est de penser que c'est simplement une question qu'on va remettre la publicité tout au carré avec des panneaux 3x4 et qu'on va faire une typographie commune à tout le monde et que ce sera mieux. À mon avis, c'est plutôt plus ennuyeux quand on fait ça, mais c'est surtout que ça ne résout pas le problème de la consommation des terres en les transformant en parking, parce que c'est ça le modèle. Le modèle no parking business, il est ancré très profondément. C'est une croyance, c'est un mantra. L'installation en dehors des villes est nécessaire pour se trouver sur des voies qui ne soient pas sclérosées. Marcel Fournier, cofondateur de Carrefour, 1969. Nous avons été parmi les premiers à avoir en effet non pas des parkings, mais de très vastes parkings. Et nous estimons que pour un magasin de cette surface-là, qui fait quelques 7000 mètres carrés, il faut 1500 places de parking. La transformation progressive, l'hypertrophie de ces zones commerciales, elle est passée par plusieurs stades. Dans un premier temps, c'est simplement un hangar. Enfin, on connaît les histoires de Leclerc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que toujours plus grand, c'est-à-dire il faut qu'il fasse une offre et démultiplication des produits jusqu'à l'absurde. Quoi. Vous pouvez avoir des murs de paquets de cornflakes dans les centres commerciaux, enfin, même pas où regarder. Quoi. Et donc offrir le choix le plus grand sur tous les sujets. Or, au bout d'un moment, les hangars n'y suffisaient pas. Donc ces boîtes-là, les grandes majors... créer des filières dans lesquelles ils ont fait des trucs uniquement pour les chaussures, uniquement pour... voilà. Donc on est arrivé à des centres commerciaux régionaux avec plusieurs boîtes spécialisées, des moyennes surfaces spécialisées comme on dit. Et troisième couche à tout ça, est arrivée toute une série de... comme le planton avec les baleines, qui ont vu que s'il y avait un McDo, les gens venaient, et donc on pouvait installer des beaucoup plus petits trucs un peu n'importe où, tout autour. Et donc, petit à petit, les zones se sont étendues de façon de plus en plus importante. Donc, vous arrivez à des ensembles qui sont toutes à nouveau sur le modèle My Parking, My Business. Donc, qui fait que quand vous êtes dans ces zones commerciales, l'étendue, des parkings s'est rajouté à l'étendue des surfaces de vente proprement dit. Donc vous vous trouvez avec des surfaces absolument gigantesques, avec un fonctionnement débile, puisque vous reprendre trois fois la bagnole pour aller simplement aller voir si vous trouvez chez Boulanger ou chez Darty l'article que vous cherchez. Trois supermarchés à Creil, bientôt quatre, n'est-ce pas un peu trop pour une ville de 70 000 habitants ? Non, ce n'est pas trop. La clientèle qui nous intéresse, comme celle que nous voulons intéresser, est une clientèle départementale. Nos clients viennent des quatre coins du département. Madame, vous venez de loin ? Oui, je viens complètement d'ici, monsieur. C'est à combien de kilomètres ? Ici, oh, je crois au moins 80. Je viens de Rantigny, qui est à peu près une dizaine de kilomètres. Vous venez combien de fois ici ? Une fois par semaine. Il y a une pensée de l'urbanisme qui s'appelle le fonctionnalisme, qu'on doit beaucoup à Le Corbusier et qu'il faut essayer d'expliquer un petit peu. Le Corbusier, il a une vision biologique de la ville, de l'urbanisme. Pour lui, la ville est un organisme vivant avec des organes et des fonctions. Xavier de Jarcy. Il imagine donc quatre fonctions, travailler, circuler, se loger, cultiver le corps et l'esprit. Donc il faut bien distinguer ces quatre fonctions de l'urbanisme, avec des zones séparées. Donc on va faire des zones commerciales, on va faire des zones d'habitation, on va faire des zones industrielles. Derrière tout ça, il y a une dépolitisation totale de la question de l'urbanisme. Pour Le Corbusier, la ville, ça n'est pas une construction politique, ça n'est pas une construction sociale, ça n'est pas une construction culturelle, c'est une construction naturelle. Et c'est une vision qui est très largement partagée à l'époque. Hein. Par exemple, un monsieur très important qui s'appelle Maurice Rothival, qui est un urbaniste franco-américain, lui, il va insister beaucoup sur la circulation. Donc il va faire une analogie entre la circulation automobile et la circulation sanguine. Donc, plus vous avez de belles artères, mieux le sang circule, et donc le sang finalement ce sont les voitures, et plus vous les amenez facilement au centre-ville, plus vous êtes efficace. Donc Maurice Rothival, c'est celui qui va par exemple faire le plan d'urbanisme de Reims, qui va être coupé en deux par une autoroute pour amener les voitures au plus près du centre. Et tout le monde trouve ça formidable. Il se trouve que dans le domaine de l'urbanisme, il y a eu une proposition de Le Corbusier qui est moins connue, parce que moins spectaculaire au départ que les grandes unités d'habitation, par exemple, qui est de mailler entièrement le territoire par un réseau de voies rapides. Donc Le Corbusier était le type qui croyait en la voiture et qui croyait que tout allait se restructurer par la voiture et pour la voiture. Il a proposé de découper le territoire en grands secteurs, c'est-à-dire vous créez des environnements, petits morceaux de nature, voire des petits morceaux de patrimoine, mais qui sont desservis par ces grands secteurs automobiles. À partir de Le Corbusier et toute la récupération par le corps des ingénieurs, pour eux c'est une idole. Enfin, c'est une idole. Ils vont vous dire le plus grand mal de Le Corbusier parce qu'ils ne connaîtront pas, mais en fait ils appliquent les doctrines de Le Corbusier. Ils se sont emparés des doctrines de Le Corbusier sur l'urbanisme de secteur et de voies rapides qui va totalement transformer les villes à partir des années 50-60. Donc les villes vont se transformer à partir du réseau routier extérieur à elles. Donc une ville, au lieu de croître petit à petit, en Europe du Sud notamment, en franchissant des enceintes successivement, eh bien, un phénomène extérieur va arriver, c'est les autoroutes au large des villes. Et comment on fait pour raccorder les autoroutes aux villes? Et qu'est-ce qui se passe autour de ces raccordements? Donc de nouvelles formes d'urbanisation apparaissent. Ce sont les zones commerciales, les zones logistiques, ce sont un peu plus loin autour des bourgs et des villages, les lotissements. Et l'un plus l'autre va fabriquer à la fois le paysage et l'essentiel de ce dont nous héritons et que nous continuons à fabriquer. Avec l'automobile, il y a aussi un objet très important qui arrive, c'est le réfrigérateur, qui commence à arriver dans les maisons aux États-Unis dans les années 20. Les ventes explosent dans les années 30 et à partir des années 50, voilà, les Français commencent à s'équiper en frigo. Et avec un frigo, vous allez pouvoir stocker. Donc le frigo plus la voiture, ce sont les accessoires indispensables du supermarché. Parce que vous prenez votre voiture, vous allez faire vos courses une fois par semaine, vous les stockez dans votre frigo. Et voilà, et vous êtes tranquille pendant une semaine. Donc tout le monde trouve ça formidable. Et les gens n'ont plus qu'une envie, c'est d'aller faire leurs courses leur samedi dans les supermarchés. Oui, le succès de l'hypermarché, comme de la grande distribution, hein, de manière plus large, est lié à deux choses. D'une part, une société où on a envie de consommer et où on peut consommer. Jean-Claude Domas, historien. Donc le développement de la grande distribution repose sur l'épanouissement de ce que des sociologues ont appelé la société salariale. Et cette génération du salariat, combinée donc à la hausse du revenu et à la baisse des prix. Alors ça c'est important parce que s'il n'y avait pas de baisse des prix, la hausse des revenus ne suffirait pas à enclencher l'accroissement de la consommation. Entre 1950 et 1980, par exemple, une machine à laver voit son prix divisé par 23. Une cafetière électrique par 9. Une 2 chevaux par 2-3. Le litre d'huile voit son prix divisé par 6. Le sucre par presque 8. Donc tout cela constitue les conditions d'élargissement de la consommation. Il faut aussi un développement très fort de l'industrie et de l'agriculture. C'est-à-dire que rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu le développement d'une production de masse. Et c'est ce qui se produit pendant cette période que, à la suite de Fouratier, on appelle les Trente Glorieuses. On le voit en particulier, par exemple, dans l'agriculture, où entre 46 et 74, la production double. Et elle double alors que la surface cultivée diminue et que la population active agricole tombe de 7 à 3 millions entre 46 et 74, ce qui est une baisse absolument considérable. Enfin, la transformation de l'agriculture ont constitué une base extrêmement solide pour le développement de l'industrie agroalimentaire qui diffuse ses produits justement grâce à la grande distribution. Alors, effectivement, il y a un projet idéologique qui sous-tend, de mon point de vue, l'urbanisation galopante du XXe siècle. C'est celle d'une abstraction, l'accessibilité à du loisir, à du service, à du progrès, sans nécessairement peser les contreparties. Achille Bourdon, architecte et urbaniste. Les zones commerciales, elles sont apparues sur notre territoire dans une logique d'équipement du territoire, soutenu par la volonté de l'État d'installer des infrastructures de transport pour mailler, pour irriguer ce territoire. Et les zones commerciales se sont construites de manière visible pour drainer, attirer le chaland. Et ainsi, elles ont été constituées d'une collusion de signes, de vocabulaire un peu criard, qui en fait était tout simplement la traduction de ces enjeux liés au commerce. La zone commerciale, elle est un peu un théâtre des rapports de force qui se jouent dans le monde, et elle est un peu cynique en cela qu'elle exprime de manière assez décomplexée et littérale ces questions d'optimisation de la marge, avec des marges faibles et des moyens assez réduits pour assurer une rentabilité, et tout se jouant sur effectivement le prix bas du produit et sa qualité médiocre à assumer, mais permet de démultiplier la capacité d'achat en réalité. Donc la zone commerciale, elle raconte à la fois cette espèce de décor qui est la publicité et cette espèce d'image médiatique qui porte le consommateur vers l'achat, qui le transpose dans une autre réalité, dans une satisfaction liée à son achat. Et aussi, elle ne se cache que très peu d'exprimer cette efficacité qui est à l'origine du service, c'est-à-dire cet urbanisme aussi de rond-point fait pour les camions, les quais de déchargement même pas cachés, les hangars très bruts, décorés simplement. Il y a un argument de vente à la zone commerciale qui est son caractère dépouillé et très efficace intrinsèquement. Alors comment ça s'est passé historiquement? Jusqu'au régime de Vichy, il n'y avait pas de permis de construire. Alors là, pour le coup, c'était vraiment le triomphe du libéralisme. Le régime de Vichy étatise l'urbanisme et la construction. Il crée un permis de construire qui va être délivré par le préfet Et c'est l'État qui va être responsable des plans d'urbanisme. C'est l'État qui va financer les plans d'urbanisme. Arrive la décentralisation, et là, le gouvernement décide que tout revient au maire qui accordera les permis de construire. Et le problème, c'est que les municipalités ne sont pas outillées pour l'urbanisme, n'ont pas la réflexion, n'ont pas les compétences. Et donc elles vont déléguer à des promoteurs, à des opérateurs privés, qui vont aménager des lotissements à leur manière et des zones commerciales suivant leurs intérêts. D'autant plus qu'elles ne sont pas soumises au règlement d'urbanisme, elles sont soumises au droit commercial. Donc on peut faire ce qu'on veut. Et évidemment, les acteurs de la grande distribution ne vont pas s'en priver. Et on en voit le résultat aujourd'hui. On a une part de responsabilité. Oh, vous allez me dire, je ne vais pas jouer les vierges effarouchées, hein, vous disant, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ben effectivement, en plein de campagne, je l'ai récupéré, on a essayé. On a été, que ce soit les maires précédents à Cabriès et moi-même, puisque moi j'étais sur toute cette durée-là, ces 20 dernières années, on a quand même fait des efforts considérables pour améliorer le plan de campagne. Mais il est évident que s'il n'y avait pas eu la volonté des maires à un moment donné, le plan de campagne ne se serait pas fait. Michel Amiel, maire des Pennes Mirabeau. Alors, à l'époque, force est d'admettre que ça a été fait de façon un peu anarchique. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire plan de campagne. Les opérateurs de la grande distribution, effectivement, ils étaient accueillis vraiment à bras ouverts, hein, puisque ils allaient apporter ce qu'on appelait la taxe professionnelle à l'époque, qui était supprimée. Ils promettaient des ressources à la commune, des équipements, des emplois. Tout le monde trouvait ça merveilleux. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. C'est toujours le chantage à l'emploi. Même Amazon promet des créations d'emplois en échange de l'installation de ces immenses hangars. Et visiblement, il y a toujours des élus assez crédules pour marcher dans ce système. Alors, chaque maire a voulu sa petite zone commerciale, sa petite zone artisanale, en se disant, bah, toute façon, si c'est pas moi qui l'ai, ça va être le voisin. Donc chacun n'a vu que ses petits intérêts à court terme, et l'intérêt général a complètement disparu. Disons-le sèchement, on se servait de plans de campagne plutôt comme d'une, excusez-moi la trivialité, d'une pompe à fric, par les ressources que cela pouvait générer via la taxe professionnelle, mais on s'occupait pas trop des aménagements nécessaires. C'était un peu une espèce de lieu improbable dont personne ne voulait entendre parler, et au fond, dont tout le monde profitait d'une façon ou d'une autre. Bon, on va pas stigmatiser un mode de consommation qui, à l'époque, était le mode de consommation. On allait faire ses courses à plan de campagne. En même temps, des zones commerciales en périphérie des villes, ce n'est quand même pas le propre de plan de campagne. On les voit de partout. Donc c'était bien une façon de consommer dans les années, allez, on va dire 70-90, une période de transition fin des années 90 à maintenant. Et maintenant, on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire de plan de campagne ? On voit qu'on a une série de transformations qui sont profondes, enfin, qui vont être profondes. Ce qui a fait la force de l'hypermarché, dire sa taille, qui fait qu'on y trouve tout, absolument tout, devient, mais du coup, pour être grand, il doit être installé loin, c'est-à-dire à la périphérie. Tout ce qui a donc fait sa force va faire sa faiblesse. De plus en plus, les gens conçoivent le fait de faire les courses dans une grande surface comme une corvée pénible. Alors que pendant longtemps, ça a été un plaisir, une distraction familiale, et qu'on allait le samedi faire des courses en famille dans les grandes surfaces périphériques. À partir, donc on a des frémissements dans les années 90, mais les choses s'accélèrent et s'intensifient dans les années 2000 et 2010. Le développement du commerce électronique, du e-commerce. Pendant longtemps, on a cru que ce type de commerce était forcément limité au non-alimentaire. Et on vient de se rendre compte avec la crise sanitaire que finalement, rien ne lui résistait, et pas même les produits alimentaires. Donc on a vu apparaître quelque chose de, une forme de commerce nouvelle, avec soit la livraison des produits à domicile, soit le retrait des produits en drive, mais la commande se faisant dans tous les cas par l'intermédiaire d'un ordinateur. Et c'est là que Amazon entre dans le débat à l'heure actuelle de manière nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une disruption qui est basée sur un changement de modèle et qui potentiellement rend obsolète la zone commerciale, c'est celui de l'attention à répondre à des formats de besoins individuels et nombreux. Là où la zone commerciale avait comme objectif de répondre à des besoins certes les plus nombreux possibles, mais surtout massifiés. Et donc les outils qui étaient ces zones commerciales pertinentes par leur capacité de rassembler en un point le plus de stock possible et donc de déplacer le chaland jusqu'à ces zones pour capter l'attention du chaland et lui vendre le maximum de services. Aujourd'hui, c'est complètement supplanté par ce qu'on appelle l'omnicanalité et ces interfaces numériques qui, en fait, ont comme vocation exactement la même chose, c'est capter l'attention du client, mais sans le faire venir dans un espace spécifique. Il s'agit de faire venir la demande la plus personnalisée possible jusqu'au client. Amazon, oui, bah Amazon, c'est un problème. De toute façon, aujourd'hui, par rapport à des zones comme la nôtre, c'est vrai que bah Amazon, ils sont ouverts 24 sur 24. Voilà, c'est nous, non, on est ouvert 7 sur 7, c'est déjà beau, de 9h du matin, grosso modo, jusqu'à 20h. Mais on consomme encore aujourd'hui après 20h. Et Amazon, pour ça, ils sont très forts. Pierre-Jean Pierrel, propriétaire dans la zone commerciale de Plan de Campagne, au nord de Marseille. Alors, qu'est-ce que va devenir cette zone dans les années à venir? Est-ce que effectivement on va avoir des boîtes qui seront plus que des endroits où on délivrera des colis Amazon ou autre? Je sais pas, j'espère pas, parce que franchement, ici, il y a encore un lien social. Il y a des gens qui viennent, qui vivent, qui échangent. Si c'est juste pour venir récupérer des colis, je vais trouver ça un peu triste. Là, on travaille sur tout ce qui est loisirs en ce moment. On essaie d'ouvrir le plus de boîtes possible de loisirs pour que les gens continuent à venir, passent plus de temps. Mais pour ça, il faut plus de parking, plus d'éclairage. Bon, il faut travailler sur l'accès. Il faut s'adapter en permanence. Hein. Alors, que ce soit des escape games, que ce soit des karaokés, que ce soit des laser games, que ce soit le bowling, tout ce qui va autour de la vie. Cinéma, et là qui a ouvert un IMAX récemment, qui est un vrai succès. À chaque fois qu'on innove, c'est un succès. Tout ce qui est loisir fait marcher les restaurants, puisque chaque fois qu'on ouvre un produit loisir intéressant, les restaurants du tour font plus 20%. Voilà, tout simplement. Donc il faut absolument se démarquer. Se démarquer par un accueil différent, effectivement, si on arrive à refaire des parkings sympas, des zones de stationnement sécurisées, du wifi, de l'ombre. Voilà, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, effectivement, je crois qu'on est... On essaie en tout cas de coller à la demande et d'anticiper ce que sera demain. Voilà, on essaie. Et donc c'est vrai que les zones commerciales doivent se réinventer à la lumière de ce changement de paradigme. L'arrivée de ces mastodontes qui sous-tendent le e-commerce, c'est effrayant sur le plan de l'impact paysager sur la périurbanité et sur le fait qu'il y a un risque réel de non-résilience de ces infrastructures-là, qui ne pourront pas être réemployées à un autre usage de par leur localisation, de par leur caractère très spécifique d'aménagement. Enfin, même si ce sont des bâtiments génériques, en réalité, ils sont d'une telle échelle qu'ils ne peuvent pas être convertis à un autre usage que celui de transporter des marchandises en extrême quantité, en grande masse. Donc il y a quelque chose d'effrayant, évidemment, et puis notamment parce que c'est une histoire qui en fait traduit l'évolution aussi de l'automatisation des opérations de livraison et de la destruction des emplois en contrepartie, avec des travaux d'une très grande pénibilité qui sont à la frontière entre la machine et l'homme et qui brossent un profil de la société du futur qui... a perdu ses emplois, consiste simplement en un acte d'achat qui est pris en charge par tout un système qui est d'une telle complexité, d'une telle sophistication qu'il échappe à toute capacité simple, humaine, de compréhension. Et néanmoins, il y a quelque chose d'assez positif également, c'est la capacité de faire réagir. Un entrepôt Amazon, on l'a bien vu dans les médias, fait extrêmement réagir parce que c'est un symbole, c'est un prédateur de l'emploi, un prédateur de l'équilibre local, c'est un ambassadeur de la globalisation qui est non voilé. Et donc c'est, je pense, le bon prétexte pour un rebond. Et puis, les hyper représentent la qualité d'être un maillage installé. Donc, quelque part, ils sont l'héritage de ce 20e siècle aménageur. Et aujourd'hui, il existe en Ile-de-France, par exemple, un hyper toutes les 20 minutes. Donc, un maillage très précis du territoire qui, en réalité, tient cette espèce de possibilité, de potentiel, d'assurer cette relation de proximité qui est le défi de la logistique. Alors, l'ambiance actuelle, elle est que... ça fait 25 ans qu'on entend dire c'est un modèle qui s'essouffle, on va trouver un nouveau modèle, peut-être patata, mais en réalité c'est toujours le même modèle dans la mesure où il est toujours structuré sur la question de la voiture, sur la question de ne faire que du commerce, sur la question de ces parkings qui prennent un espace considérable, et donc la question de comment se reformater, comment introduire de la mixité, tout ça c'est des questions qui sont maintenant... enfin sur la table, si j'ose dire. Ça se fera parce que c'est assez logique, l'urbanisation avance, et donc la pression immobilière et foncière avance, mais on n'est pas encore... Maintenant, ça fait une dizaine d'années que je me bats pour ça. La première bagarre, c'est faire arriver les transports en commun dans ces zones commerciales, les tramways. Maintenant, la seconde bagarre, c'est comment faire qu'ils s'allient entre promoteurs de logements et opérateurs commerciaux pour pouvoir avoir... ce qu'ils prétendent être, c'est-à-dire d'être des quartiers de ville, et pas simplement des parkings devant des hangars. Si on regarde, vous voyez que les mairies qui nous ont autorisé à faire des bâtiments, ils ont mis des maisons. Regardez, on avait une maison qui est là, une maison qui est ici. Vous allez un peu plus loin, là, en fait, 600 mètres là, vous avez un lotissement tout neuf. Quatre lotissements tout neufs, il doit y avoir 200 maisons, mais qui sont récentes. Hein. C'est la ville qui re-rentre dans la zone commerciale. Alors, est-ce qu'on habiterait là? Je sais pas. Mais par contre, ils ont trouvé preneur, hein, les lotisseurs. Donc, c'est un mix, en fait. Hein. Les villes arrivent. Pourquoi ne pas imaginer, je dis ça à dessein, hein, l'arrivée d'une zone spécifique d'habitat pour nos amis les étudiants, puisqu'ils travaillent ici le dimanche. Puisque la plupart des étudiants de la région travaillent ici le dimanche, hein, pour aller au cinéma, et puis ils pourraient prendre le train pour aller en fac. Et puis revenir, et aller boire des coups, il y a des bars, il y a des boîtes de nuit, il n'y a plus la vie, il y a la vie. On en reparle, on se revoit dans moins de 10 ans, vous verrez. Nos parkings, nos business. L'irrésistible supermarché français. Avec Pierre-Jean Pierrel, Xavier de Jarcy, Philippe Robert, Jean-Claude Domas, Francis Brescia, David Mangin, Michel Amiel et Achille Bourdon. Merci à Françoise Fromoneau. Archivina, Viviane Lefebvre. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran, Marivona Bolivier, avec la collaboration de Mathias Mégy. Un documentaire de Camille Jusa, réalisé par Franck Lilin. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur le parking désert, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et sur Instagram. Demain, troisième épisode, sur la Cosmoroute, une féerie autoroutière. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.